Adya Shanti. Satsang. La rencontre avec la vérité. Nous nous retrouvons ici pour reconnaître la vérité qui, elle, est éternelle. Être en satsang, c'est être associé à la vérité. Si nous le comprenons, nous nous retrouvons ici animés d'une même intention. Si vous venez au satsang pour vous associer à la vérité, vous êtes disposé à vous interroger en vous demandant « Qui suis-je ?» ou « Que suis-je ?» librement, en l'absence de tout scénario ou rôle, en l'absence de fiction à propos de qui vous êtes et ce que vous êtes, renonçant au scénario que vous croyez être votre vie. Tout sentiment d'identité s'accompagne de son scénario. Certains rôles dans ces romans sont ainsi « Je suis la fille qui réussit » ou « Je suis celui qui n'a pas de succès » ou « Je suis celle dont les relations amoureuses sont vouées à l'échec » ou « Je suis le chercheur spirituel qui a eu plusieurs expériences mystiques ». Nous avons chacun un rôle spécifique et nos scénarios au sujet de ce rôle. Toutefois, nos rôles et nos affabulations ne correspondent pas à ce que nous sommes. Le satsang est merveilleux, car c'est une occasion de vous éveiller de votre scénario. Lorsque vous commencez à réaliser ce qu'est la vérité, vous reconnaissez qu'elle n'est pas une abstraction, qu'elle n'est pas là au loin et ce n'est pas quelque chose qu'il faudra étudier demain. Vous découvrez que la vérité est ce que vous êtes à l'instant même, sans votre histoire ni votre scénario. La véritable bénédiction de cette rencontre, c'est l'occasion de vous éveiller dès maintenant, pas demain. L'éveil à la vérité de votre être n'est pas un état à atteindre dans un avenir flou. Ce n'est pas une chose à laquelle vous vous préparez, que vous gagnez ou méritez. L'éveil est une altération radicale de l'identité. Vous croyez être vous, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes un être éternel. Le moment de vous éveiller, c'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Lorsque le petit moi comprend pourquoi il est ici, au satsang, il songe « Non, ce n'est pas un endroit pour moi. » Je suis venu ici en croyant pouvoir en tirer profit. Mais il n'y a rien à obtenir. Pour n'importe qui, aller quelque part ou faire quelque chose sans qu'il y ait rien à gagner est une idée révolutionnaire. Il n'y a rien de mal à obtenir quelque chose de temps à autre. Toutefois, au satsang, nous en venons à voir que notre bonheur et notre liberté n'ont rien à voir avec quelque avantage que ce soit. Notre bonheur et notre liberté consistent à consentir, à vivre à l'instant même, le fait d'être complètement désarmé de notre stratégie, y compris de notre stratégie pour se défaire des stratégies. C'est l'occasion de faire cesser toutes les stratégies visant à devenir. La bénédiction ici, c'est que nous accueillons l'expérience directe du petit moi dans son état désarmé. Pratiquement partout où vous allez, ce sentiment d'être désarmé est écarté, dissimulé, il n'est ni évoqué ni reconnu. Ici, nous posons plutôt la question « Que suis-je et qui suis-je maintenant ?» sans ma fiction, sans mon attente de ce moment, sans mon espoir face à cet instant, sans mon scénario. Le mental, s'il pouvait parler, répondrait « Je n'en sais rien ». Parce qu'il ignore ce qu'il est quand il est désarmé. Il ignore qui ou ce qu'il est sans son rôle ou son personnage à jouer. L'acteur qui joue tous ses rôles se nomme « Moi ». Même si nous répondons à l'appel du satsang, de la rencontre avec la vérité, même si nous l'accueillons, l'acteur persiste et le mental a tendance à penser « je suis ici ». Pourtant, observer ce qu'il y a derrière le « je suis ici », c'est comme crier dans une pièce vide. Il y a l'écho « je suis ici » et chaque fois que nous observons, nous ne trouvons que l'écho. Vous lâchez donc prise un peu plus, pour être désarmé du jeu plus subtil, qui consiste à croire que vous êtes un acteur derrière son rôle. Vous constatez ainsi que ce n'est qu'une autre affabulation. Si vous observez vraiment de près, vous aurez la merveilleuse possibilité d'être totalement désarmé, car vous ne découvrirez aucun acteur, ni personne d'autre. Grâce à cet état désarmé, l'expérience ineffable peut se manifester. C'est l'expérience ineffable d'être que vous pouvez vivre par vous-même. Vous remarquerez qu'elle ne comporte aucun scénario ni rôle, qu'elle n'a aucune visée personnelle et qu'elle n'attend rien de l'instant présent. Elle n'est pas non plus l'acteur. Ce que vous êtes est antérieur à votre idée de vous. L'on suppose souvent que ce que l'on est en l'absence de ce rôle se dissimule quelque part. Donc, en délaissant votre rôle, en cherchant au-delà du personnage nommé moi la vérité de votre être, vous croirez peut-être qu'il y a quelqu'un à découvrir, un personnage en quelque sorte dissimulé. Dans un tel cas, en parvenant à cet état d'ouverture, vous vous direz intérieurement « Il n'y a personne ici, mais je vais tout de même chercher le soi, la vérité, le moi éveillé. » Chercher l'identité éveillée n'est qu'un autre rôle, un autre scénario. Il appartient à la fiction du chercheur spirituel. Si vous laissez tomber ce scénario, eh bien, qu'êtes-vous donc ? Naturellement, je vous incite à examiner ce que vous êtes parce qu'à l'instant même, vous vivez la réponse. Rien de ce que je peux vous dire n'est un substitut pour cette vivacité, cette réponse vécue. Voilà pourquoi on a souvent dit que seuls ceux qui ignorent qui ils sont éveillés. Tous les autres savent qui ils ou elles sont. Ils sont leur scénario, peu importe ce qu'il est, même si c'est « je ne suis pas éveillé ». L'éveil, c'est de n'avoir aucun scénario, de savoir qu'ultimement, une fiction n'est qu'une fiction, qu'une histoire n'est qu'une histoire. Il existe un état où le mental affirme la chose suivante « je n'ai pas la moindre idée de qui je suis » parce qu'il n'arrive pas à trouver le bon scénario. L'éveil, c'est la réalisation qui survient après que le mental ait dit « j'abandonne, je n'ai pas la moindre idée de qui je suis ». Quand vous commencez à le comprendre, vous savez que si vous lâchez votre scénario d'être quelqu'un qui écoute, et si vous lâchez votre scénario d'être quelqu'un qui dit quelque chose, si vous laissez tomber ces rôles pendant un instant, vous n'êtes pas la personne que vous croyez être. Venir au satsang est un geste révolutionnaire en ce qui a trait à cette idée du moi, parce que ce moi croit qu'il trouvera le bonheur en changeant son roman, son rôle, son identité, même si cette identité, c'est d'être sans identité. Il fera ce qu'il faut pour perpétuer cette notion nommée moi. Notre culture spirituelle est devenue très insidieuse. Nous avons des concepts spirituels de plus en plus subtils qu'il faut employer dans nos conversations. Plusieurs personnes ont substitué aux vieilles notions indigestes de Dieu et de péché les termes « conscience » et « conditionnement » qui semblent un peu plus légers. L'être spirituel contemporain entretient ces conceptions excessivement abstraites. Plus le concept est abstrait, plus il est transparent. Il est difficile de se former une image de la conscience et de la poser sur un autel. Votre autel passe son temps à se vider. Si vous cherchez la vérité, n'y posez rien. L'autel le plus valable est celui sur lequel il n'y aura rien. Si vous vous identifiez aux concepts abstraits, cependant, ceux-ci sont susceptibles de s'emparer de vous et d'empêcher votre mental d'être désarmé. même lorsqu'une expérience subite d'éveil se produit, il est facile pour le mental d'entrer dans cet esprit vivant de présence éveillée, d'y apposer son estampille et d'en faire quelque chose en disant « Voilà l'état éveillé, la lucidité, la conscience ou le soi. » Le mental lui trouvera un nom quelconque pour éviter d'être désarmé. Si nous nous interrogeons en nous disant « Qui suis-je sans le concept de moi ? Que suis-je sans le moi ?» Alors l'ineffable peut s'ouvrir instantanément. L'absence de concept apparaîtra. Consentez à cette expérience, parce que c'est la réponse vivante aux questions « Que suis-je et qui suis-je ?» Ce n'est pas la réponse conceptuelle morte, mais la réponse vivante. Elle vit. En cet instant d'éveil rayonnant, le mystère se déploie sur lui-même, d'instant en instant. Cette condition vivante d'être, appelez-la comme vous voulez, est la seule chose que vous n'avez jamais été, que vous ne serez jamais et que vous êtes maintenant. Vous n'êtes pas un être humain. Votre apparence est celle d'un être humain. La véritable investigation est comparable à l'émerveillement d'un enfant. Est-ce vraiment ce que je suis ? Il ne s'agit pas de le penser, mais de vous laisser devenir de plus en plus désarmé par cette question. Plus vous pénétrez l'inconnu par le biais de l'expérience, plus vous devenez désarmé. Avez-vous remarqué que le mental ne sait plus quoi faire ? Invitez ce sentiment de ne pas savoir et ne vous préoccupez pas d'être désarmé. Observez qu'en son cœur même, il y a une présence éveillée, vivide, rayonnante. Mystérieusement, en permettant de reconnaître cette présence éveillée, l'éveil devient ainsi possible. Si vous laissez entrer l'état éveillé, vous découvrirez qu'il se livre à des jeux avec votre vie. Il n'agit pas selon les visées du petit moi, celui qui a toutes ses idées à propos de ce qui se passe quand on atteint l'éveil. Il n'a que faire des ordres du jour que vous entretenez. Il agit et n'écoute pas ce que vous voulez, et vous en êtes reconnaissant. Vous découvrez qu'il possède son propre mouvement, et suivre ce mouvement est, à mon sens, le véritable abandon. Voilà le vrai sens de « que votre volonté soit faite ». Le mental s'inquiétera du fait d'être désarmé et de lâcher ses concepts et ses scénarios. Il dira « je n'obtiendrai peut-être pas ce que je veux ». Et moi j'affirme que vous avez une chance folle si vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Je n'ai rien obtenu de ce que je voulais de l'éveil. Je croyais qu'il résoudrait une foule de problèmes. J'avais toutes sortes d'idées sur ce qu'il devait m'apporter. N'y comptez pas. Ce n'est pas tant que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mais vous vous fichez d'arriver à ce que vous voulez. Je n'ai pas reçu un seul des privilèges que je comptais en tirer. La seule chose qui s'est produite, c'est que cela m'était indifférent. Quel rêve hideux c'était, croire que ces bienfaits étaient nécessaires à mon bonheur. Accueillir le mystère de votre être intime, voilà le satsang. Cela s'oppose à la forme que prend souvent la spiritualité, c'est-à-dire comme refouler l'être intime, définir le mystère ou se parer de perles et de fleurs, etc., pour donner une impression de puissance au mystère. Le satsang est une ouverture, un formidable accueil, jusqu'à ce que l'identification relâche son emprise et que le mystère se réalise. Alors vous vous dites « Oh, voilà ce que je suis. Je croyais que j'étais celui avec son ordre du jour. Je croyais que j'étais l'acteur qui tenait des rôles. Je croyais être ces rôles. » Rien de tout cela n'est vrai. La fin du rôle désigné « je suis un être humain », nous l'appelons « mort ». Il est beaucoup plus facile de laisser mourir ce rôle avant que ne meure le corps et l'ensevelir dès maintenant. Grâce au satsang, vous pouvez vous éveiller à ce que vous êtes éternellement et mener une vie authentique.